Bonjour à tous, très chers amis. Donc on se retrouve avec Marion et Fabrice pour cette deuxième partie de cet entrepode consacré à Paris. Alors on va reprendre le podcast au moment où Fabrice, qui vient de Paris donc, va nous présenter quelques endroits à visiter en dehors de la ville de Paris elle-même, c'est-à-dire dans la banlieue parisienne. Donc voilà, c'est parti. Donc toi, tu viens pas exactement de Paris, dans la banlieue aussi, parce que ça s'étend, c'est énorme, il y a quand même 10 millions de personnes au total. Pour un touriste qui viendrait visiter Paris, qui a envie de sortir de Paris, où est-ce que tu lui conseillerais d'aller ? Donc je conseille à tout le monde d'aller visiter le château de Versailles. C'est là qu'a vécu Louis XIV, aussi appelé le roi soleil, le plus grand roi français, le plus connu en tout cas. Là-bas, il y a voir les jardins qui sont vraiment magnifiques. Il y a aussi la Galerie des Glaces, où a été signé l'armistice du 11 novembre 1918, qui a mis fin à la Première Guerre mondiale. Ouais, moi j'ai eu l'occasion d'aller vraiment au château de Versailles, c'est vrai que c'est formidable, c'est énorme, les jardins sont magnifiques, magnifiques, magnifiques, et le palais est impressionnant. Donc sinon, il y a aussi Disneyland à visiter. Euro Disney, oui. Beaucoup de touristes viennent à Paris pour voir Euro Disney aussi. Euro Disney qui se trouve au nord-est de Paris, donc on peut y accéder par train, et voilà, c'est à voir aussi, il est vraiment énorme le parc. C'est vrai, mais moi je me suis déjà disputé avec des gens qui sont allés à Paris, enfin ils ne sont pas vraiment allés à Paris, ils sont juste allés voir Euro Disney. C'est un peu dommage, j'ai envie de dire que c'est un peu dommage. Moi je trouve aussi, bon c'est mon point de vue, mais bon évidemment Euro Disney c'est bien. Et il y a beaucoup plus beau à voir à Paris. Je crois, ouais. Mais ça fait partie des atouts de Paris évidemment d'avoir parc pas loin. Ah, c'est le seul en Europe, donc bien sûr ça attire du monde. Et il n'y a pas une grande forêt aussi qui est près de Paris ? Il y a la forêt de Fontainebleau, ouais, qui est très connue, qui est un énorme parc aussi, où beaucoup de gens vont se balader, faire du jogging, du vélo. Il y a beaucoup d'activités à faire aussi dans le parc. On peut chasser aussi, non ? Oui, je crois qu'on peut chasser, faire de l'escalade. Il n'y a pas des chasses à cours aussi ? Ah, ça je ne sais pas. Je ne suis pas fan de chasse à cours. Mais je ne suis pas sûr non plus. Autant de Louis XIV, sûrement. Et sinon, dans Paris, il y a quand même des parcs ? Oui, il y a plusieurs parcs dans Paris. Il y a surtout les jardins du Luxembourg, qui sont vraiment magnifiques. Ouais. Ils sont en plein milieu de Paris, donc un très grand parc avec beaucoup de pelouses où les gens vont, se posent et font des pique-niques, bronzent. Des gens jouent au foot, d'autres au badminton. Tantôt pendant l'été, il y a beaucoup de monde dans ces parcs et l'ambiance y est très bonne. Ouais, moi je trouve que c'est quand même assez vert comme ville. Paris est la ville la plus verte d'Europe. C'est vrai ? La capitale la plus verte d'Europe, où il y a le plus d'arbres en tout cas. Je trouve que c'est grand, mais ça a toujours gardé une certaine échelle humaine. Il n'y a pas beaucoup de bâtiments très élevés. Il y a quelques immeubles, mais qui font maximum 10 étages. C'est fait exprès, il y a des lois pour ça, pour pas que Paris devienne comme beaucoup de villes avec énormément de buildings. Donc les immeubles sont limités en général. Ouais. Il y a quelques quartiers où il y a des grands immeubles, mais ça s'est vraiment restreint à quelques quartiers. Ce quartier, il s'appelle La Défense. Voilà, La Défense, qui se trouve en fait en dehors de Paris, La Défense. Okay. Mais même dans Paris, il y a quelques grands bâtiments, mais c'est vraiment très restreint à certaines parties de Paris. Ok. Donc okay. En général, les immeubles font 3-4 étages dans Paris. Ce qui fait que c'est joli, t'as pas un gratte-ciel en plein milieu qui n'a rien à faire là, quoi. Voilà, exactement. Ça garde un certain charme. Alors maintenant, on va profiter de ta présence pour te demander en tant que Parisien si tu as des conseils d'adresse, de bonnes adresses à donner à des gens, à des touristes qui se rendent à Paris. Alors, bien sûr, il y a tout d'abord le quartier de Bastille. Ouais. Donc, dans ce quartier-là, il y a beaucoup de bars, de boîtes, de restaurants. Je conseille particulièrement rue de Lappe. Okay. Qui se trouve juste à côté de la Bastille, où il y a énormément de bars. Ce n'est que des bars sur toute la rue. Tu peux les plaire ? Alors, rue de Lappe, alors RUE, plus loin DE, plus loin LAPPE. Et ça trouve juste à côté de la place de la Bastille. Voilà, exactement. À cet endroit-là, il y a aussi l'Opéra de Bastille, ouais, qui est aussi à voir, qui est un très beau, très bel opéra. Qui est assez innovateur, voilà, qui est assez impressionnant aussi. Surtout l'intérieur. Ouais. Surtout l'intérieur. Ouais. Sinon, pour les plus belles boîtes de Paris, les plus branchées, je dirais, il faut aller sur les Champs-Élysées, où il y a beaucoup de boîtes. Ouais. Préparé à dépenser un peu d'argent. Voilà, c'est vraiment pas donné. Vous pourrez voir les Ferrari devant et autres voitures. À Paris, c'est ce qu'on voit aussi. C'est quand même la capitale de la mode également. Il y a une vie nocturne assez folle. Oui, très folle. Mais par contre, tout est très cher aussi à Paris. Pour la nuit, pour les boîtes, il y a des entrées qui sont assez chères. Si vous allez dans les boîtes à Paris, il vaut mieux déjà être vraiment bien habillé. Donc éviter les baskets et les jeans. Plutôt vraiment bien habillé, presque en costume. Et bien sûr, chaque homme qui veut rentrer, il vaut mieux qu'il soit accompagné d'une femme. D'accord. Et l'été, il n'y a pas aussi des soirées sympas sur des péniches où on peut visiter en même temps la nuit pendant la soirée ? Et oui, il y a des soirées sur des péniches où on peut danser le long de la Seine. Et tu conseillerais ? Oui, je conseille, bien sûr. Pour quelqu'un qui veut visiter Paris et s'amuser en même temps, c'est vraiment quelque chose d'assez exceptionnel. Et il y a aussi les bateaux mouches, tiens, en parlant de la Seine. Oui, bien sûr, au Pont Neuf. Il faut se rendre au Pont Neuf où il y a les bateaux mouches. Et donc, ça permet d'avoir une autre vue de Paris tout le long de la Seine, où se trouvent la plupart des monuments. Donc, possibilité de voir Paris d'une autre façon. C'est censé être romantique aussi. Très romantique, vaut mieux y aller avec sa petite amie, c'est sûr. Ouais, enfin, moi j'y étais allé, je me suis engueulé. Engueulé pendant toute la durée de la traversée. Et concernant les musées, pour toi, quels sont les musées vraiment qui sont le plus dignes d'intérêt à Paris ? Bien sûr, on a déjà parlé du musée du Louvre avec la Joconde, le musée Beaubourg. Il y a un nouveau musée qui vient de s'ouvrir qui s'appelle le musée des arts premiers. Vraiment à voir, c'est tout nouveau, rien que l'architecture du bâtiment mérite le coup d'œil. Ouais. Il y a aussi le musée Grévin, un musée de cire. Et alors une autre chose qu'il y a à visiter, c'est les fameuses catacombes. Exactement, je ne l'ai jamais fait, on m'en a beaucoup parlé. Ouais. Et c'est vrai qu'en tant que Parisien, je ne l'ai pas fait, c'est une erreur de ma part. Mais c'est vrai que c'est à voir, il paraît que c'est vraiment quelque chose d'intéressant et de surprenant à la fois. Mais c'est pas interdit ? Non, il y a des visites, des catacombes, on peut faire ça. Et en fait, ces catacombes sont des galeries qui se trouvent dans le sous-sol de la ville. Et pourquoi sont-elles si célèbres ? C'est parce qu'ils sont déposés, les os, les ossements. Oui, on peut voir beaucoup d'ossements, de crânes. C'est avant où il y avait les fosses communes. Voilà. Les gens se faisaient enterrer sous terre. Et donc on peut revoir les ossements. Donc âme sensible, s'abstenir. Ouais, parce qu'il y a une partie qui est ouverte au public et une qui est fermée, non, c'est pas ça ? Oui, c'est ça. Il n'est pas possible de visiter toutes les parties des catacombes, mais certes. Enfin, il est possible si on connaît, mais c'est interdit. Bien sûr, c'est complètement interdit, oui. Il n'y a qu'une partie réservée aux touristes où on peut aller. Moi, j'avais entendu dire qu'une partie des catacombes était ouverte au public et l'autre était fermée. Mais il y a quand même des gens qui sont passionnés ou qui aiment vraiment ça, qui réussissent à rentrer dedans. Pour faire quoi ? Pour faire quoi ? Alors, ça dépend. Il y en a qui en ont besoin. C'est une passion comme une sorte de drogue et ils passent plusieurs heures par jour dans les catacombes en sortant du boulot. Ou alors d'autres qui font des soirées secrètes dans les catacombes où, pareil, ils sont tous. Ils se connaissent. C'est par privé. Bouche à oreille, c'est privé, ouais. Et ils font des soirées dans les catacombes comme ça. Et alors, c'est le fait de se retrouver avec des ossements autour d'eux qui. Je pense que c'est aussi peut-être le fait de. Dans un endroit interdit, que personne ne connaît, tout ce qui va avec, puis après, je sais pas, j'étais pas dans ces soirées, mais... On avait dit que les Parisiens étaient bizarres, hein. Sinon, pour revenir, enfin, ça n'a pas grand-chose à voir, un utilisateur qui se trouve à Paris nous avait demandé une recommandation, si toi t'as un restaurant favori, si t'as encore une adresse de restaurant ici dans la ville. Bah, ce que je conseille surtout aux gens, c'est d'aller dans les brasseries de Paris. Ouais. Les petites brasseries, il y en a partout, à tous les coins de rue quasiment, où on y mange très bien pour pas très cher en plus, et là vous pouvez manger la vraie cuisine française, avec toutes les spécialités françaises, et c'est vraiment les endroits où aller pour les touristes surtout, je parle. Et c'est un bon rapport qualité-prix. Très bon rapport qualité-prix, oui. Parce qu'en fait, quelle est la différence entre une brasserie et un restaurant ? La différence entre la brasserie et le restaurant, c'est que la brasserie, c'est surtout, comme vous pouvez voir, des cafés avec des tables dehors, devant les cafés, donc c'est très parisien de boire son café là, ou de manger comme ça en extérieur. C'est ancien aussi, non ? C'est aussi plus ancien, souvent. Il y a certaines brasseries qui sont vraiment très vieilles. Et la différence entre elles aussi, c'est que la brasserie fait bar en même temps. Donc il y a une partie bar à l'intérieur où on peut manger et à l'extérieur où on peut manger aussi, dans la rue. D'accord. C'est moins formel qu'un restaurant ? Beaucoup moins formel, oui. C'est plus décontracté. Et concernant donc les gens qui voudraient prendre quelque chose dans la rue en vitesse ? Ce qui se fait beaucoup à Paris, c'est le sandwich, avec la baguette française, bien sûr. Donc la plus connue est le jambon beurre. Et voilà, les Parisiens raffolent des sandwichs. Et les crêperies aussi ? Crêperies, c'est plus rare, mais oui, bien sûr, tous les Français aiment manger des crêpes. Et pour les crêperies, c'est surtout dans le quartier de Montparnasse, où il y a énormément de crêperies, si quelqu'un veut manger une crêpe à Paris. Dans le sud ? Oui, dans le sud de Paris, à côté de la gare Montparnasse. Ok. Où il y a une grande tour, c'est la tour Montparnasse, la plus haute de Paris. Ouais, moi j'habitais dans ce coin-là, en fait. J'habitais juste à côté de Montparnasse. Très joli quartier aussi. Ouais. La raison pour laquelle il y a tant de crêperies, c'est parce que les Bretons... partent de là, non, pour aller vers la Bretagne. Oui, voilà, la gare Montparnasse, c'est de là où ils partent pour aller à Nantes, Brest. Et donc voilà, ils sont beaucoup installés dans ce quartier-là, autour de la gare Montparnasse. Et donc voilà pourquoi il y a tant de crêperies maintenant dans ce quartier-là. Aussi, un utilisateur demandait si, en allant à Paris, on peut encore voir ce vieux cliché de cette personne du français qui sort de la boulangerie avec sa baguette sous le bras et son béret. Ah, je suis désolé de décevoir les gens, mais pour le béret, il y en a de moins en moins. Par contre, la baguette est toujours d'actualité. Et tous les jours, les Français vont encore à la boulangerie acheter leur baguette. Beaucoup, hein. Même dans les grandes villes, même dans une grande ville comme Paris. Ah, bien sûr, même moi qui suis de Paris, tous les jours, je vais à la boulangerie acheter ma baguette. Et souvent, le matin, les croissants aussi. C'est important. Hein. Très important. Non. Je pourrais pas vivre sans, je pense. Et tu mets ta baguette sous le bras ? Pas forcément sous le bras, mais j'ai du mal à me retenir de pas la manger sur le chemin, donc... Ok. T'arrives chez toi, il y a le petit morceau. Voilà, il reste plus grand chose. Ok, merci Fabrice. Merci beaucoup d'être venu et nous avoir présenté Paris. Ben, merci à vous, ça m'a fait plaisir d'être là. Merci Marion. Merci Amaury. On se retrouve très bientôt. Entre temps, si vous avez des questions concernant ce podcast, n'hésitez pas à les poser sur la page de discussion. On sera là pour y répondre. Sur ce, à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Salut.